Chapitre 2e. Ce que Max Nagley appelait la conversion de Hemlis était qualifié plus énergiquement par les mineurs qui disaient que Hemlis avait décidément tapé dans une bonne conduite. Sur la tombe fraîche, ajoutée aux autres tombes du petit enclos, on grava aux frais du maître une inscription. Le drapeau de la montagne rouge apporta lui aussi son tribut à la mémoire d'un de nos plus vieux pionniers, avec une délicate apostrophe à ce poison des plus nobles intelligences, et des façons discrètes d'ailleurs d'enterrer le passé en même temps que notre cher frère. Il laisse pour le pleurer, ajoutait le drapeau, une enfant unique qui est aujourd'hui une écolière exemplaire grâce aux efforts du révérend Max Nagley. Le révérend Max Nagley faisait en effet grand bruit de la récipiscence de Hemlis. Attribuant indirectement à la malheureuse enfant le suicide de son père, il émut l'école du dimanche par des allusions si touchantes. Il parla si bien des effets salutaires de la tombe silencieuse que la plupart de ses jeunes auditeurs en demeurèrent muets de frayeur et que les rejetons roses et blancs des deux premières familles poussèrent des hurlements lamentables en refusant de se laisser consoler. L'été suivit, long et brûlant. À mesure que chaque journée torride se consumait en petites bouffées de gris perle sur la cime des montagnes et que, soulevées par la brise, des cendres rouges s'éparpillaient sur tout le paysage, la verdure, dont le printemps avait paré la tombe de Smith, se flétrit et se dessécha. En ces jours-là, le maître, errant dans le petit cimetière durant les après-midi du dimanche, était parfois surpris de la voir joncher des rares fleurs sauvages que recèlent les humides forêts de pins. Plus souvent, une guirlande grossièrement tressée s'enroulait à la petite croix rustique. Ces guirlandes étaient faites d'une herbe odoriférante dont les enfants à l'école parfument leurs pupitres, entremêlées de brins de séringa et d'anémone des bois. Ça et là, le maître remarquait les sinistres épis de l'aconite. Il y avait quelque chose dans l'association de cette plante vénéneuse avec certains souvenirs qui l'impressionnait péniblement. Un jour qu'il traversait, après une longue promenade, une crête boisée, il rencontra Hemlis perché au cœur de la forêt, sur un pin renversé, dont les branches mortes au panache pendant lui formaient un trône fantastique. Elle avait la robe pleine d'herbes, de pommes de pin, et se chantait à elle-même une des mélodies nègres de sa première enfance. La reconnaissant de loin, elle lui fit place sur son trône, puis, d'un air de protection et d'hospitalité, lui offrit à manger des pommes sauvages. Le maître profita de l'occasion pour l'avertir des qualités malfaisantes de l'aconite, dont les fleurs sombres étaient éparses sur ses genoux, et obtint la promesse de ne plus y toucher tant qu'elle serait son élève. Ceci convenu, il fut tranquille, ayant déjà mis à l'épreuve sa scrupuleuse probité, et le sentiment pénible qui l'avait envahi momentanément s'évanouit. Parmi toutes les maisons qui s'ouvrirent pour Hemlis aussitôt que sa conversion fut connue, le maître avait préféré celle de Madame Morpher, un type aimable et doux de la femme telle qu'elle fleurit dans nos régions du sud-ouest, et qui, jeune fille, avait été connue sous le nom de la Rose de Prairie. Étant de celle qui lutte résolument contre elle-même, Madame Morpher, après une longue suite d'efforts, avait surmonté sa disposition naturelle à l'insouciance et s'était soumise au principe d'ordre qu'elle considérait avec Pope comme la première loi du ciel. Mais elle ne pouvait réussir, quelque précis que fussent ses propres mouvements, à régler également l'orbite de ses satellites. Parfois même un choc survenait entre elle et son époux. La nature qu'elle avait vaincue s'affirmait surtout dans ses enfants. Lycurgue furetait dans le buffet entre les repas. Aristide revenait de l'école sans souliers, ayant laissé ses articles importants de sa toilette à la porte, afin d'avoir le plaisir de barboter nu-pied dans les fossés. Octavie et Cassandra se moquaient de la propreté. À une seule exception près, la Rose de Prairie, quoi qu'elle eût fait pour émonder, redresser, discipliner sa maturité luxuriante, n'avait pu empêcher les petits rejetons de pousser quand même indociles et désordonnés. L'exception unique était Clytemnestre Morpher, familièrement Clyty, âgée de 15 ans, et qui réalisait l'immaculée conception de sa mère, méthodique, bien tenue, terne et lente d'esprit. L'excellente Madame Morpher avait le tort de s'imaginer que pour Hemlis, Clyty était une consolation et un exemple. Égarée par cette illusion, elle jetait Clyty à la tête de Hemlis toutes les fois que celle-ci était méchante et la lui citait comme modèle aux heures de pénitence. Le maître apprit donc sans trop s'étonner que Clyty allait venir à l'école. Évidemment, il devait considérer sa venue comme une grande faveur pour lui et un sujet d'édification pour Hemlis et pour les autres, car Clytie était une vraie demoiselle, héritière des qualités physiques de sa mère, et subissant l'influence du climat de la montagne rouge, elle s'était épanouie de bonne heure. Aussi, toute la jeunesse de Smith Pocket, aux yeux de qui ce genre de fleurs était une rareté, soupirait pour elle en avril et languissait de désir au mois de mai. Les amoureux assiégeaient l'école à l'heure de la sortie, quelques-uns étaient jaloux du maître. Peut-être ce fut cette dernière circonstance qui lui ouvrit les yeux. Cependant, il ne pouvait point ne pas remarquer que Clytie était romanesque. Pendant la classe, elle exigeait qu'on s'occupât d'elle sans relâche. Ses plumes étaient toujours mauvaises, elle demandait qu'on les lui fixât, et accompagnait cette requête d'un regard suppliant, sans rapport avec le service que réclamaient ses lèvres. Parfois elle appuyait, par hasard sans doute, un bras rond et blanc sur celui du maître, tandis qu'il écrivait dans son cahier, et chaque fois elle rougissait, rejetant ses boucles rondes en arrière par un mouvement de tête coquet. Je ne sais si j'ai dit que le maître était un jeune homme. Peu importe d'ailleurs. Il avait reçu, à l'école où Clytie prenait sa première leçon, une éducation sévère et soutint le feu des œillades fascinatrices comme un jeune spartiate qu'il était. Peut-être la qualité insuffisante de ses repas aidait-elle à cet ascétisme. Quoi qu'il en fût, il évitait ordinairement Clytie. Mais un soir, elle revint à l'école pour quelque chose qu'elle avait oublié, qu'elle ne retrouva que lorsque le maître eut consenti à la reconduire, et en cette circonstance, dit-on, il s'efforça de plaire, un peu, j'imagine, parce que cela devait ajouter à l'amertume et au fiel qui surchargeait déjà l'âme des admirateurs de Clytemnestre. Le matin qui suivit cet épisode sentimental, Emlys ne vint pas à l'école. L'après-midi s'écoula, point de Miss Clytie. Interrogée là-dessus, elle répondit qu'elles étaient parties pour l'école ensemble, mais que la capricieuse avait pris une autre route. Dans la soirée, le maître alla trouver Madame Morpher, dont le cœur maternel était singulièrement alarmé. Monsieur Morpher avait passé tout le jour en recherche qu'il n'avait point mis sur la trace de la fugitive. Aristide fut appelé comme complice probable, mais l'honnête enfant réussit à convaincre toute la famille de son innocence. L'opinion de Madame Morpher était qu'on trouverait la pauvre petite noyée dans quelque canal, où ce qui était presque aussi terrible, sa lie est couverte de boue au point de défier la vertu du savon. Le maître retourna, le cœur serré, à l'école. Comme il allumait sa lampe et s'asseyait devant son bureau, il vit devant lui un billet à son adresse et de l'écriture de Emlys. Ce billet paraissait être griffonné sur une feuille arrachée à un vieil agenda, et dans la crainte d'indiscrétion sacrilège, il était scellé de 6 pains cachetés rompus. L'ouvrant presque avec tendresse, il lut ces mots, dont nous ne reproduirons pas l'orthographe excentrique. « Honoré monsieur, quand vous lisez ceci, je me serai sauvé pour ne revenir jamais, jamais, jamais, jamais. Vous pouvez donner mes perles à Mary Jennings et mon orgueil de l'Amérique, c'était la lithographie vigoureusement coloriée d'une boîte à tabac, à Sally Flanders, mais n'allez rien donner à Clytie Morpher, ne vous en avisez pas. Voulez-vous mon opinion sur son compte ? Elle est parfaitement dégoûtante. Voilà tout ce qu'a pour le moment à vous dire. Votre respectueuse, Emily Smith. » Le maître médita cette étrange épître jusqu'à ce que la lune eût levé son brillant visage au-dessus des montagnes lointaines et illuminé le sentier de l'école, durci par le va-et-vient continuel des petits pieds. Il sema ce sentier des morceaux de la lettre qu'il avait déchirée, puis se sentit plus calme ayant pris son parti. Au lever du soleil, il se frayait un chemin à travers les fougères semblables à des palmes et les épais taillis de la forêt de pins, faisant partir ici un lièvre de son gîte, s'attirant plus loin une protestation querelleuse de la part de quelques corneilles dissipées qui avaient évidemment fort mal passé la nuit et gagné ainsi la crête boisée où il avait une fois rencontré Emlys. Là, il reconnut bien le pin abattu et ses branches frangées, mais le trône était vide. Comme il approchait cependant, une forme qui lui parut être celle d'un animal effarouché bondit à travers les branches sèches, passa sur le corps du monarque déchu et se blottit dans quelques feuillages amis. Le maître, en atteignant le vieil arbre, y trouva un nid encore tiède et, ayant regardé en l'air, aperçut au perché la fugitive. Ils s'observèrent en silence. Elle fut la première à parler. « Que voulez-vous ? » demanda-t-elle brièvement. Le maître s'était tracé une ligne de conduite. « Des pommes sauvages. » répondit-il avec humilité. « Vous n'en aurez pas. Allez-vous-en. » « Pourquoi n'en pas demander à Clytemnestre ?» Emily semblait trouver plaisir à exprimer son mépris en joignant des syllabes additionnelles au nom classique des jalons de sa compagne. « Oh, vous, méchant !»« J'ai faim, Lissy. Je n'ai rien mangé depuis le dîner d'hier. Je meurs de faim. » Le jeune homme s'appuya de tout son poids à l'arbre comme s'il tombait d'inanition. Le cœur de Emily fut touché. Dans les jours amers de sa vie vagabonde, elle avait connu la sensation qu'il simulait avec art. Désarmée, mais sans renoncer tout à fait à ses soupçons, elle lui dit « Fouillez sous l'arbre, à côté de vous, et vous trouverez ce qu'il vous faut. Surtout, n'en parlez à personne. » Emily savait ses dépôts de provisions, comme les rats et les écureuils. Mais le maître ne sut rien trouver, la faim probablement le privant de l'usage de ses sens. Emily devint perplexe. Enfin, lui jeta un regard de lutin à travers les branches et demanda « Si je descends et que je vous en donne, me promettez-vous de ne pas me toucher ?» Le maître promit. « Que la mort vous prenne, si vous montez !» Il accepta de bonne grâce d'être foudroyé en cas de parjure, et Emlise glissa jusqu'au bas de l'arbre. Pendant plusieurs minutes, on n'entendit rien que le craquement des noix sous la dent du maître. « Vous êtes mieux ?» demanda-t-elle avec sollicitude. Le maître avoua qu'il se sentait réconforté, puis, la remerciant gravement, fit mine de retourner sur ses pas. Comme il s'y attendait, elle ne tarda pas à le rappeler. Il se retourna. Elle était debout, pâle, avec de grosses larmes dans ses yeux dilatés. Le moment favorable était venu. Il alla droit à elle, lui prit les deux mains, plongea son regard dans ses yeux humides et dit avec son sérieux ordinaire « Lissy, vous souvenez-vous de la première soirée où vous êtes venue me voir ?» Elle s'en souvenait. « Vous m'avez demandé si vous pourriez venir à l'école parce que vous vouliez apprendre quelque chose et être meilleur. » Et je vous ai répondu « Bien, acheva l'enfant avec vivacité. Que diriez-vous si le maître, à son tour, vous disait qu'il se sent seul sans sa petite élève et qu'il lui demande de venir lui apprendre à être meilleur aussi ?» L'enfant tint quelques instants sa tête baissée sans rien répondre. Le maître attendait tranquillement. Tenté par le silence, un lièvre se hasarda tout près d'eux, élevant jusqu'à ses yeux d'escarboucle ses pattes de velours, s'assit pour les regarder. Un écureuil descendit à mi-chemin du tronc rugueux de l'arbre abattu et là s'arrêta brusquement. « Nous attendons, Lissy, » dit tout bas le maître, et elle sourit. Agités par une brise fugitive, les arbres balançaient leur sommet. Un long filet de lumière, se glissant entre leurs branches entrelacées, tombait en plein sur le visage irrésolu de la petite fille. Tout à coup, elle saisit la main du maître de la façon brusque qui lui était propre. Ce qu'elle dit à peine l'entendit-on. Mais le maître écarta de son front les grands cheveux noirs et l'embrassa. Ce fut ainsi qu'ils quittèrent les nefs humides, les âcres parfums de la forêt, pour la route découverte où pleuvait le soleil.